Nyangi. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Hausse du prix des produits Braroudi à partir de ce 1er août, une hausse s'ajoutant à celle d'autres produits dans cette édition. Un expert en gestion des politiques économiques considère que le Burundi devrait faire preuve de justice fiscale et de maîtriser l'inflation. En province Makamba, on vous parlera de ce procès de flagrance ce mardi de cette personne accusée entre autres d'importation frauduleuse, d'autres de vente illégale de fertilisants. La chronique santé de ce mardi nous parle des personnes les plus affectées par le marasme nutritionnel. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kougiman. Page commerce pour débuter cette édition. L'entreprise Braroudi a revu à la hausse le prix de ses produits à partir de ce mardi. Une augmentation de 500 francs par bouteille. Et ainsi, les boissons gazeuses et Viva s'achètent officiellement à 1500 francs. Nyongela 72 centilitres et Primus 50 centilitres sont vendus à 1700 francs. La bouteille Primus 72 centilitres s'achètera à 2200 francs. Quant à la Primus Black, elle s'achètera désormais à 2000 francs. L'Amstel Blonde de 65 centilitres passe à 3000 francs. L'Amstel Blonde de 50 centilitres et l'Amstel Bock 33 centilitres litres seront vendus à 2600, tandis que l'Amstel Royal 50 centilitres s'achète désormais à 3100 francs burundais. Dans un communiqué de la Braroudi de ce mardi, elle explique qu'une telle hausse par l'augmentation des prix des matières premières. La dernière hausse de ces produits date du mois d'octobre 2022. La Braroudi hausse les prix de ces produits au lendemain de la hausse des prix du ciment, du sucre, des produits pétroliers, entraînant la hausse du prix du ticket de transport. Parlons justement transport. La grève est déclenchée ce lundi par les chauffeurs des taxis, des voitures taxis de marque Probox empruntant l'axe Gitega-Bujumbura. S'est poursuivi ce mardi pour contester le nouveau prix du ticket à Gitega-Bujumbura qui est de 9000 francs, un prix récemment fixé par l'État. Les chauffeurs concernés indiquent qu'avec ce ticket, ils travailleraient à perte. Ils préfèrent arrêter cette activité, déclare-t-il. Le point avec Gérard Nibigira. Le matin de ce mardi, au parking de Gitega, il n'y avait aucune voiture taxi de marque Probox qui empruntait l'axe Gitega-Bujumbura. La raison est que la grève des chauffeurs de voitures concernées se poursuit pour contester le nouveau prix du ticket de 9000 francs bou récemment fixé par l'État pour un passager qui voyage de Gitega-Bujumbura et vice-versa pour ses chauffeurs. Avec cette somme, il travaillerait à perte. Il précise que les calculs montrent que le carburant consommé pour le trajet Gitega-Bujumbura aller-retour est de loin supérieur à la somme du ticket que paye chaque passager dans leur voiture taxi qui ne transporte que 4 passagers. Ils ajoutent qu'il y a aussi le coût d'entretien et des documents de la voiture qui a sensiblement augmenté. Pour mettre fin à leur grève, ils avancent une condition d'être consultés avant de revoir à la hausse le prix des tickets de transport dans des voitures taxi. Toutefois, certains chauffeurs de voitures taxi Probox continuent à transporter les passagers vers Bujumbura à un prix des tickets négocié avec les passagers et qui espéraient ou égal à 20 000 francs bou. Mais la police a appréhendé certains d'eux ce lundi et les a sanctionnés à leur infligeant une certaine amende, comme le précisent d'autres chauffeurs. Ainsi donc, les passagers se rendent à Bujumbura en bus de marque Quaster, des agences de voyage ou de marque IAS, des particuliers. Cela étant, les chauffeurs de voitures taxi de marque Probox qui quittent Gitega vers le reste de province fonctionnent sans respecter les nouveaux prix du ticket. Le passager s'entend avec le chauffeur sur le prix du ticket, la raison étant que très peu de bus empruntent les axes Gitega vers d'autres provinces que Bujumbura, explique les sources sur place au parking de Gitega. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour Radio Isanganiro. Quittons Gitega, la capitale politique du Burundi, pour revenir en mairie de Bujumbura, capitale économique du pays, où certains commerçants du marché de Côte-Ébou disent que la récente activité de l'Office burundais des recettes au Béa concernant l'enregistrement des échoppes ne s'est pas convenablement déroulée. Ils expliquent que les agents de l'OBA enregistraient toute personne trouvée sur place, propriétaire ou locataire. Ils ajoutent que cela peut causer de l'insécurité et demandent à cet office de tenir des réunions pour bien analyser la question. Le point avec Clovis Niyonkuru. Ces commerçants indiquent que les agents de l'Office burundais des recettes OBR sont venus pour les faire signer de nouveaux contrats relatifs au paiement de leurs échoppes alors qu'ils ne le savaient pas. Ces agents de l'OBR enregistraient toutes les personnes trouvées sur place. Les agents de l'Office burundais des recettes OBR m'ont trouvé ici. M'ont demandé le propriétaire de cette échoppe. Ils ont enregistré mon nom sans toutefois me donner des éclaircissements. Ils m'ont dit que ces nouveaux contrats relatifs au paiement des échoppes sont déjà connus alors que nous ne le savons pas. Au moment où il y a des informations selon lesquelles certains commerçants ont été enregistrés pour des échoppes et qui ne leur appartiennent pas, ces commerçants demandent aux agents de l'OBR de tenir d'abord à une réunion pour bien analyser cette question. Cette situation risque de causer une mésentente entre le locataire et le propriétaire d'une échoppe. Car lorsque l'on enregistre une échoppe au nom d'une personne alors qu'elle appartient à moi, cela doit causer des conflits. Nous voulons que les agents de l'Office burundais des recettes OBR viennent analyser cette question. Sinon, nous allons arrêter notre travail. Nous demandons au gouvernement d'écouter nos doléances, organiser des réunions pour appliquer ce que nous nous sommes convenus. Dans ce cas, nous pourrons atteindre le développement durable. Ces commerçants, il faut savoir que ceux qui sont dans le quartier E payeront 200 000, quartier D vont payer 150 000 et ces deux quartiers 3 et 4 vont payer une somme de 300 000. Parlons encore de ce marché Côte-Ébou. L'association des commerçants du Burundi à Kobo trouve que des mésententes peuvent se créer entre commerçants, propriétaires des stands et des locataires. Se référant sur ce marché, Antoine Mouzaneza, président de la Kobo, estime que toutes les parties concernées devraient se concerter afin que la collecte des impôts et taxes soit aisée. Et le gouvernement devrait limiter le niveau des prix et taxes parce que cela atteint beaucoup plus la classe moyenne et les populations démunies dans les pays en voie de développement. Explication d'un expert en gestion des politiques économiques qui considère que le Burundi devrait faire preuve de justice fiscale. Selon Serge Niramebura, l'urgence est aussi de maîtriser l'inflation en vue de concilier deux nécessités, à savoir la collecte des impôts et taxes, ainsi que les droits des consommateurs et commerçants. On l'écoute. Pour donc redynamiser le commerce, la chose qui presse, c'est que l'État puisse maîtriser en fait l'inflation. Parce que s'il y a l'inflation, il n'y a pas d'investissement. Et il y a des gens qui, ayant peur de l'inflation, ils vont changer en fait l'argent. Donc si la monnaie burundaise perd continuellement la valeur par rapport à d'autres monnaies, les gens vont garder leur richesse dans une autre monnaie qui n'est pas la monnaie burundaise. Et c'est de là que les gens auront des comptes au Kenya, en Tanzanie, en Belgique, en France, aux États-Unis, parce qu'ils ne veulent pas payer l'impôt qui est lié à l'inflation, donc à l'instabilité croissante de la monnaie burundaise. Une autre catégorie de personnes vont investir dans l'immobilier. Pas parce qu'ils veulent avoir des profits, pas parce que ce secteur est rentable dans ce moment. C'est une façon de garder leur richesse en dehors de l'inflation pour qu'ils ne puissent pas perdre finalement du jour au lendemain toute leur richesse. Mais imaginez-vous un building qui a des centaines de millions, mais ça ne va pas aider à résoudre le chômage. Il n'y a même pas de système où l'OBR va leur exiger de tenir une comptabilité et de montrer qu'est-ce qu'ils ont gagné. Des fois, c'est juste un rapport verbal. Ils vont dire que oh, je n'ai rien reçu, ce mois, toute cette année, je n'ai rien reçu. Si l'État veut vraiment diversifier, augmenter l'assiette fiscale, diversifier les sources de revenus pour que ce ne soient pas les mêmes individus, même la classe moyenne qui paye tout le temps, il faut aller toquer tous ces gens-là qui ont l'immobilier. Il faut acheter chaque année, il faut un comité qui donne la valeur à l'immeuble et donc l'impôt doit être un pourcentage à partir de la valeur de l'immeuble. Et en plus, comme ce n'est pas fiable les rapports qu'ils donnent, il n'y a pas moyen de suivre combien ils ont fait. Il faut aussi un forfait. S'il faut commencer par des paiements forfaitaires, il faut commencer par le secteur immobilier, il faut exiger un forfait mensuel, trimestriel, annuel à payer, parce que deux choses doivent être certaines, c'est en fait la mort et le paiement des impôts. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 18h10 dans le studio de la radio Isanganiro, page justice de cette édition, comparution ce mardi de cette personne en procès de flagrance au tribunal de grande instance de Makamba. Une a été accusée de l'importation frauduleuse des téléphones et portables et ses accessoires en provenance de la Tanzanie. Une autre de la vente des boissons de la Braroudia à un prix exorbitant par rapport au prix reconnu. Les cinq derniers comparants étaient tous accusés de la vente illégale des fertilisants, à part un qui a rejeté les accusations de l'officier du ministère public selon lequel il exerce la vente des fertilisants. D'autres comparants plaidaient coupables. Après l'audience publique, l'officier du ministère public a requis une peine de prison allant de 3 à 5 ans et une amende d'1 million en francs burundais pour chacun d'eux et les objets saisis reviennent à l'État. Ces procès ont par la suite été mis en délibéré. Expiration depuis juin de cette année du contrat d'essai du guichet unique communal de Kayanza, mis en place par le consortium Madisco Cordei de Viateur Niramheba. Responsable de ce service indique qu'il ne voit pas le sort de ce guichet avec le départ de ses organisations fondatrices. Il demande à l'administration communale de Kayanza de l'appuyer dans la continuité des activités de ce guichet unique communal de Kayanza. Gilbert Nyandoui, administrateur communal, fait savoir que ce n'est pas facile d'appuyer ce guichet communal, mais que le plaidoyer continue pour qu'il puisse y avoir d'autres organisations ou associations pouvant prendre le relais de ce consortium. Le point avec Patrick Saint-Guillaume. Le guichet unique et communal Kayanza a été mis en place le 26 août 2022. Certains des objectifs de ce service, selon Niramheba Viateur, responsable du guichet unique et communal Kayanza, sont surtout l'actualisation de la base des données des organisations de la société civile Evran Commune Kayanza, orienter ces associations vers les opportunités et le partage d'expériences entre elles, cela avec différentes descentes sur le terrain qu'il a menées. Après 10 mois d'essai, c'est-à-dire depuis octobre 2022 au juillet 2023, Niramheba Viateur fait savoir que le consortium Adisco Cordeid qui a créé ce guichet unique n'appuie plus ce service et indique qu'il ne voit pas comment le guichet unique communal Kayanza continuera à fonctionner. Le responsable du guichet unique communal Kayanza demande au consortium fondateur de ce service, de même que l'administration, d'évaluer les réalisations faites par le guichet unique communal pendant ce délai d'essai et s'il trouve nécessaire sa continuité de l'appui à cet effet. Interrogé à ce sujet, le superviseur du guichet unique communal Kayanza au sein de la Cordeid, celui-ci n'a pas voulu en dire un mot. Mais l'administration communale Kayanza fait savoir que la commune n'a pas prévu le budget pour l'appui de ce service. Nyandoui Gilbert, administrateur communal Kayanza, indique pourtant qu'il continue à plaider pour qu'il puisse y avoir d'autres organisations ou associations qui pourraient continuer à appuyer le guichet unique communal depuis Kayanza. Patrick Nsengui va pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Le marasme nutritionnel est une forme de malnutrition grave du fait d'une insuffisance énergétique globale accompagnée de carences en protéines. Le chercheur en nutrition Jean-Paul Wineza parle d'une maladie qui affecte beaucoup plus les femmes enceintes et les enfants et qu'il leur faut une alimentation équilibrée pour y faire face. Le point avec Francine Dehokoubgaïo. On vous avait parlé dernièrement du marasme nutritionnel qui est une maladie touchant les personnes ayant des carences alimentaires. Le chercheur en nutrition Jean-Paul Wineza indique que les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes en sont les plus touchées. Nous pouvons signaler les enfants de moins de 5 ans et aussi les femmes enceintes sont plus touchées que les autres. En fait, le système immunitaire des enfants de moins de 5 ans n'est pas comme le système immunitaire des adultes. et les femmes enceintes aussi ont un système immunitaire inférieur que les autres femmes ou bien d'autres personnes. À cause de cette faiblesse immunitaire, et vous verrez que la femme enceinte, c'est une personne vulnérable que les autres, cette personne aussi peut être touchée que les autres femmes ou bien que d'autres personnes. Pour lutter contre le marasme nutritionnel, les gens sont appelés à consommer des aliments équilibrés. L'alimentation doit être variée. En fait, la consommation alimentaire doit être quand même équilibrée au cours des différents repas pour s'assurer que les besoins en nutriments sont couverts. Il faut voir si les besoins en nutriments sont recouverts. Il faut manger une variété d'aliments et aussi de bonne qualité et contribuer à apporter tous les nutriments qui sont essentiels à notre organisme. Quand il faut manger ou bien quand il faut choisir votre alimentation, il faut s'assurer que votre alimentation comporte tous les éléments essentiels. Par exemple, sur les protéines et aussi les lipides et aussi les kilocalories, les hydrates de carbone, les vitamines, les minéraux, tous ces éléments-là, il faut quand même faire recours aux aliments. Manger beaucoup de crudités, beaucoup de fruits, manger beaucoup de légumes. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans doivent avoir un traitement spécial en nutrition. J'ai déjà vu dans beaucoup de familles, quand ils mangent ou bien quand ils nourrissent les enfants, ils ne tiennent compte pas de la bouillie. Alors que la bouillie donne des éléments vraiment très essentiels et très rapides aux enfants, surtout les moins de 5 ans. Et par exemple, la bouillie qui est composée par des soja, composée par des blés, par des sorghums, composée par des arachides, des sésames, ainsi de suite, en fait, apporte beaucoup de nutriments, beaucoup de protéines, beaucoup de lipides, beaucoup d'hydrates de carbone, des vitamines, beaucoup de minéraux et aussi d'autres éléments phytochimiques qui sont essentiels à notre organisme. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. L'enfant aussi va quand même avoir une croissance vraiment très bonne. Les fruits et aussi des légumes apportent beaucoup d'antioxydants, des éléments phytochimiques qui peuvent quand même éloigner beaucoup de maladies, même pour les femmes enceintes. Ce chercheur en nutrition conseille la population à consulter à temps si en cas de marasme se présente pour éviter d'éventuelles complications. Merci à Francine Ndehokubgayo. Ainsi s'achève cette édition. Merci Madame et Monsieur de l'avoir suivi. Merci également Alphonse Kougimane qui a assuré la mise en onde. Nos programmes continuent. Mireille Kanyangi.